Votre maison est magnifique. Elle n'est pas à vendre par hasard? Ah non, je suis désolé. Dommage. Si elle était à vendre, je l'achèterais tout de suite. C'est exactement ce que je cherche. Si j'habitais ici, j'aurais un chien comme vous. Ah, ce serait une autre vie. Eh bien moi, si je trouvais un travail en ville, je partirais tout de suite. J'adorerais sortir, aller au cinéma, au restaurant. Et le week-end, je ferais du vélo, comme vous.